Et on retrouve tout de suite Jérôme avec un nouveau vinyle qui, cette fois-ci, a l'air plutôt en bon état. Celui-là, il est plutôt en bon état, c'est sur une face. Ah. Et de l'autre côté, eh ben, on va voir ça. Oula. Ah là, c'est même dessiné, quoi. Alors, comment décrire... Alors, comment décrire ça à la radio ? Alors, dans nos histoires de surface gravée, avec les différentes étapes entre gravure, lecture, moulage et autres développements, là, c'est un projet de Timothy Mason, qui est un artiste franco-américain, plutôt dans la photographie, et qui m'avait proposé pour ce projet, en fait, de pouvoir produire une image à même la surface du disque. Donc ça se fait, hein. Alors, c'est le principe un petit peu du picture disc, sauf que le picture disc, c'est deux faces qui est transparente. Alors, on comprend une image en sandwich et donc qui est pressée, et ensuite on grave et on moule sur la surface en plastique. Là, c'est pas du tout le cas. Là, l'idée, c'est que l'image soit littéralement pressée dans la matière même du disque. Donc ça voulait dire que nos fameux développements qu'on fait avec les disques en négatif, et ben là, il fallait penser que le négatif allait mettre une image. Donc ça a été un projet un peu drôle, parce que c'était de savoir à quel endroit on pouvait intervenir dans le développement du disque et de sa phonographie. Et en fait, j'ai demandé au presseur de me donner une mère, donc donner en fait la pièce qui sert pour le moulage. Donc c'est le moulage qu'on a gravé par un système en fait de gravure à l'air, parce qu'en fait au laser c'est trop mou, donc ça abîme la surface littéralement, le dessin ne peut pas, c'est ça le fond. Et donc en fait c'est un principe qu'on utilise pour produire par exemple toutes les touches de clavier en plastique, ce genre de choses, tout ce qui est boutons, pression, etc. C'est de la découpe à l'air, voilà, pour éviter effectivement de faire fondre la matière première. Donc c'est ce qui s'est passé. On a utilisé donc la mer, on a fait la gravure de ce dessin. Alors le dessin, c'est un peu celui qui va par la suite servir un peu de logo et de d'Oriflane au label. Donc on a deux mains jointes au-dessus de l'eau qui tient des choses ou qui propose peut-être de les offrir à cette eau. Et on a des ondes en dessous des mains produites par le fait d'avoir ces objets qui, au fur et à mesure, en fait, il y a eu plusieurs clichés photographiques, mais ces objets sont lâchés dans l'eau. Donc Ils sont lâchés dans l'eau. Donc on a les ondes, en fait, qui produisent cette espèce d'onde aussi par rapport au disque. Donc ça, c'est l'histoire de cette image comme ça, de cette espèce d'offrande qui est faite les mains jointes, qui sont les mains de l'enfant de Tim. À l'époque, hein, ça remonte, hein, ça a bien 15 ans maintenant, ce projet. Et donc, carte blanche à Tim. Tim me dit, bah, écoute, moi, pour le son, j'inviterais bien Liam Farrell, parce qu'il était très, très proche de la famille Farrell. Les Farrell, on connaît peut-être un peu Seamus Farrell et Malachi, qui est un artiste plutôt en art plastique, je me soucie. Et Liam, on le connaît, mais parce que c'est Dr. L. Et Dr. L, c'était aussi le batteur d'Erita Mitsuko et un des leaders d'Assassin. Donc, c'est avec le frère Cassel, c'est tous les deux qui ont créé Assassin. C'est un multi-instrumentiste, avant tout batteur, et d'origine irlandaise, hein, des réfugiés politiques, hein, vraiment liés à l'IRA. Et donc, c'est des gens très, très, très, très, très politisés. Et il avait décidé de proposer véritablement un projet quasi pirate, hein, puisqu'il va choper un fragment de Allen Ginsberg qui fait une performance au micro qui va durer plusieurs heures sur le thème de l'imagination. Donc il parle au micro sur le thème de l'imagination, etc. Donc c'est une improvisation. Et d'autres fois, il a faim, alors il fait « I just take a beat ». Donc ça vient le titre du morceau. Et donc Liam décide de jouer autour de cette voix. Donc c'est ce qu'il va proposer. Et il va littéralement, en fait, se remettre dans le bain des années 60 et faire une production, quasiment un jazz, à la fois habillé, à la fois très free, autour de cette phrase et autour de la voix d'Allen Ginsberg. Donc c'est un disque sans fin, parce que l'idée, c'est comme un motif qui vient comme ça se lire au fur et à mesure et qui, à un moment, s'éteint tout seul et on peut le reprendre. Enfin, voilà. Donc c'est ça que je voulais proposer. Très bien, on l'écoute. Donc il faut imaginer que tous les instruments que vous entendez, c'est Lian qui les joue. Il n'y a pas du tout d'instrument synthétique ou de cut à cet endroit-là. Il y a juste la voix qui est un élément qu'il a récupéré sur lequel il va broder. Sauf la flûte traversière qu'on entendait. Or that you figure out something far out to imagine. I was just thinking that what you're doing is catching yourself think something. You know, noticing that you thought something, noticing some recurrent fantasy, or noticing something that is common to your consciousness, comes along commonly. And then jotting it down. Taking note of it, noticing it, catching yourself, and then realizing, well, this is an area that you haven't actually thought about clearly, and you might as well explore it. But that's always a sort of not a danger, but that's always like an aesthetic problem. If you're going to propose a new subject or open up a new area, do it in such a way as it becomes. As the you yourself, of course, and the reader realizes that it's just nature. And that it has the beauty of nature rather than, or the beauty of sort of common humanity, rather than special pleading or specially undignified. So the question is, so I'll take one bite. Well, it's a two-way view. We changed the climate, and the climate changed us. And that's part of a larger biological wave, or social biological wave. But I think we were intending to try and change things. And we're aware that this was our real life. And so why not write about real life? You know, what is the problem? Why not try and really write about real life, even if we don't publish? At least for each other's pleasure. Or just for the pleasure of articulating our real life. And I think that was a catalyst to the social change. But on the other hand, there's also that there was just this. After all, it's the airplane, jet plane, computer era, and everything is coming out, so to speak. Everything is coming out of the closet, including Earth doom or Earth salvation. That was, and I think it's part of just a biological wave of salvation, in the sense that everything has gotten so mechanized and computerized and police state-ish. Totalitarian, decentralized, temporary social network authority, especially with the military dominating so much in Russia and America, that almost as a biological urge to come back to ground, come back to the body, the vulnerability of the body and the actuality of our fantasy and our mind and how we actually really are, that the literary outpourings beginning turn of the century with Dadaism, Futurism, Surrealism, Joyce, Lawrence, Gertrude Stein is an inevitable movement for recognition of the senses. To return to the actual senses, to return to examine the mind even. You know, what is the nature or texture of the mind, which is the subject of Joyce's Finnegan's Wake, and the subject of Gertrude Stein's work, and also the motif behind futurism and Dadaism and Kata. Yeah. So the difficulty with being totally frank and honest, or being totally upfront, or confessional, or whatever it is that sometimes the subject that you might want to write about involves other people. and you don't want to tell their stories. I mean, you can't kiss and tell, so to speak. Or when you're writing about other people's deep woes, they may not want you to be going around blabbing. You want to be my friend? Let me be. And at one point, the police came to the house to take him to Bellevue. And I wrote a long, beautiful, accurate account as a poem of that scene. It's maybe the best thing I've written in a few years because it was written in the heat of woe and tears. Where I'm in some state of communication where it would be okay by him. You know, his social stability and his mental stability was already difficult enough without having to carry this image around with everybody looking at him as that, as an object, without humor. So he has to keep protecting he's not really nuts. And you know, like from 1963 on, there's always been a problem. Archi Radio. La radio du festival Archipel, en direct de 10h à midi, du 1er au 10 avril 2022, sur archipel.org.